Et salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic 101. Mon nom est Guillaume, je suis votre animateur. Et pour se joindre avec moi, mon co-animateur, nul autre que le fabuleux Renaud Giraldo. Salut Renaud. Attaboy. Attaboy. C'est toi qui l'as dit, hein? Ah, j'ai dit, t'es fabuleux, Renaud. Je me tanne pas de passer du temps avec toi comme ça à faire des épisodes sur Magic. Mais cette semaine, c'est pas que je t'aime pas, mais on a ajouté un ingrédient à la recette. Cette semaine, ceux qui suivent la balado depuis quelques semaines savent qu'on aime bien inviter des joueurs. Et cette semaine, on est très fiers de pouvoir compter sur la présence de nul autre que M. Pascal Ménard. Salut Pascal. Hello. Ça va bien? Yes. Excellent. Petite convention, juste m'assurer que je peux tutoyer pendant l'entrevue. Là. C'est correct. Excellent. Non, super. Non, c'est un petit jeune. Ouais, mais c'est ça. OK, j'avoue, c'est ça. Quand j'ai vu, quand tu as fait le top 8 du Grand Prix d'Ottawa, moi, je regarde pas mal toujours les diffusions sur Twitch. Là, sur la page de Wizards of the Coast, il y a le profil des joueurs. Là, il y avait ton âge, c'est là. Mais voyons, tu peux pas. C'est ça, exactement. Fait que là, je divulguerai pas ton âge en ondes, mais pour ceux qui sont intéressés, ça se trouve sur la page de Wizards. T'as qu'à faire, on peut dire. Ben ouais, c'est ça. Mais en fait, tu viens juste. En fait, je sais pas quand ta fête exactement, mais ça fait pas longtemps que tu peux boire de la bière aux États-Unis. Hein? Exactement. On va donner cet indice-là aux gens. C'est bon. Donc, la façon qu'on va structurer l'épisode, on va commencer par l'entrevue avec toi, Pascal, parce que après l'entrevue, tu vas nous quitter parce que tu es en préparation, n'est-ce pas, pour le prochain Pro Tour. Yes. Si je ne me trompe pas, c'est à Bruxelles. D.C. D.C., OK. Le premier, c'est D.C., puis ensuite, c'est Bruxelles. Est-ce que c'est ça? OK. Excellent. Donc, on va commencer par ton entrevue, puis ensuite, nous, Renaud et moi, on va faire du Treasure Cruise vers... un autre sujet qui sera probablement, évidemment, la nouvelle liste de cartes bannies en moderne. Et on parlera du format en tant que tel. Donc, pour le segment d'entrevue, on va aller assez simplement au tout début. Si les gens qui écoutent l'émission de Magic 101 ne te connaissent pas encore, peut-être nous faire un petit topo là, général de quitter d'où tu viens rapidement, puis ensuite on rentrera déjà dans le détail de Magic plus en profondeur. OK. Dans le fond, j'ai Pascal, 21 ans. Je viens de Québec. Je vis à Québec, mais je viens de la Beauce. Yeah, ouais. Dans le fond, je joue à Magic depuis que j'ai déménagé à Québec. Parce que, bon, ben, ma boutique favorite, dont je suis le gérant maintenant, le donjon, c'était à deux pas de ce que je restais. Okay. Puis, je commençais à jouer à Magic quand j'avais 10-11 ans. Puis, j'ai jamais vraiment arrêté, dans le fond. J'ai peut-être eu un an que j'ai plus ou moins joué, là, mais. Sinon, j'ai toujours été très, très actif. OK. Puis dans le fond, tu as commencé, quoi, c'est milieu des années 2000 à peu près, si je me trompe pas? Kamigawa, fait que 2005, je crois. OK, exactement. Puis, ben, comme moi, quand je consultais un peu, je faisais de la recherche pour voir un peu tes techies parce qu'on ne se connaît pas personnellement. J'ai vu qu'une de tes premières réalisations, ça a été que déjà en 2010, tu avais fait la compétition de World Championship. Tu étais sur l'équipe canadienne, dans le fond, puis la compétition avait lieu au Japon. Ouais. C'est quand même une réalisation importante là, quand ça fait 5 ans que tu joues à Magic puis que déjà tu te réalises pas seulement au Québec mais au Canada puis éventuellement sur la scène internationale, c'est quand même vraiment impressionnant. Donc si tu commençais peut-être par nous parler de cette expérience-là en particulier, peut-être comment tu as fait pour en arriver à un niveau assez élevé pour te qualifier, comment tu as fait te qualifier sur l'équipe canadienne, puis peut-être ensuite nous parler brièvement de comment c'était pour toi comme joueur de vivre une expérience aussi marquante à Magic. Ouais. Ben dans le fond, je pense pas que c'était un accomplissement que j'ai sur le Pro Tour pour la première fois après 5 ans. Okay. Juste parce que j'ai commencé à jouer compétitif dès le début. Là. Je pense que j'ai joué un PTQ 3 mois après avoir commencé à jouer. Puis, dans le fond, là, ça a été là, mettons. Là, je suis devenu bon après beaucoup et beaucoup d'essais de PTQ. Là. Puis, je dis ça parce que je trouve que maintenant, les joueurs québécois qui commencent à jouer puis qui jouent avec les bons joueurs, ils deviennent bons très vite. Okay. Exemple, Philippe Lastin, Alex Rochette, Kevin Anctil, etc. Mm-hmm. Puis, dans le fond, c'était l'ancienne formule des Worlds. Fait que peut-être pas tous les auditeurs qui savent comment ça marchait. Okay. C'est qu'au lieu d'être comme maintenant, on appelle ça le World Cup, c'est un tournoi où est-ce que il y a des gens qui peuvent se qualifier individuellement. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'être sur une équipe de leur pays. Mm-hmm. Fait que il y a une la grosse portion des Worlds, c'est une portion individuelle avec sur 4 jours, 3 rondes, 6 rondes standard, 6 rondes draft, 6 rondes extended, top 8 standard. Okay. Puis sur le side, c'est-à-dire que toutes les personnes qui font partie d'une équipe canadienne, dont je faisais partie, ramassent des pendant leur tournoi individuel, en même temps ramassent des points pour le pays. C'est-à-dire que si j'ai fait 25 points dans le tournoi, ben c'est 25 points pour le Canada. Okay. Fait que toutes les teams, excuse-moi, j'ai dit 4, mais c'est 3 teammates par pays. Okay. Fait que ces gens-là ramassent des points. Puis à la fin des 6 rondes par jour, il y a 2 rondes de team. Ça, c'est-à-dire qu'on joue du team trio contre un autre pays. Okay. Puis là, ça ramasse une façon de ramasser plus de points, dans le fond. Fait que ça, c'est ça. C'était l'ancienne formule des Worlds. Puis dans le fond, j'ai fait top 50 de la portion individuelle. Puis en teams, c'était top 4, puis on a fini 5e. Okay. Fait que là, c'était mon premier poteau. Fait que là, ça m'a donné un peu d'argent de poche pour être capable de jouer tous les tournois que je voulais après. Puis ça m'a qualifié pour le pro tour d'après. Puis là, ça s'est mis à s'enchaîner à partir de là. Dans le fond. Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, toi, ta feuille de route, là, l'année, disons, 2011-2012, c'est quand même assez impressionnant. Ça semble avoir été des années fastes. Là. Dans le fond, si je ne me trompe pas, à ton actif, tu as 5 top 8 de Grand Prix. Ouais. Est-ce que c'est correct? Ouais, c'est ça. Donc, 3 dans cette période-là, un peu le 2011-2012. Donc, qu'est-ce qui, pour toi, dans cette période-là, qui était marquant peut-être dans ta façon de jouer ou dans le format dans lequel tu jouais, qu'est-ce qui fait que tu t'as vraiment, comme, tu t'es épanoui à Magic dans ces années-là? C'est dur à dire. Ben, en fait, je pense qu'il y a plein de facteurs, mais c'est toujours dur de dire quel était vraiment le facteur. Ouais. Je pense que quand ça commence, une fois que ça a commencé à bien aller, c'est un effet boule de neige, là. Tout allait bien, là. Tu sais, j'avais plus. Évidemment, quand tu gagnes, t'as plus confiance en toi. Ouais. C'est con à dire, mais il y a, tu sais, des fois, t'es un peu plus connu. Quand la personne sait contre qui elle joue, si on veut. En tout cas, moi, c'est quelque chose que ça me faisait quand je jouais, puis j'étais un nobody. Quand je jouais contre quelqu'un de super connu, tu sais, dans un petit stress qui embarque, puis. Ouais. L'effet Jedi. De quoi? L'effet Jedi, là. Ouais, c'est ça. Ah, fait que tu veux pas, peut-être que ça va te faire faire un misplay ou deux dans le game parce que t'es nerveux. Mm-hmm. Et tu sais, au bout du compte, tous ces misplays-là en lignée, ben, ça fait que quand tes adversaires sont nerveux, ben, tu gagnes un peu plus. Puis là, t'es un peu plus confiant, fait que tu gagnes un peu plus. C'est quelques pourcentages gagnés par-ci, par-là. Mm-hmm. Plus de confiance aussi dans mes idées, là, c'est-à-dire dans ma préparation. Tu sais, je vois pas. Avant, j'étais plus du genre à jouer un deck que je prenais sur Internet, peu importe, parce que je me disais, ah, tu sais, mon deck à moi, tu sais, il est sûrement moins bon que le gars, tu sais. Mm-hmm. Mais là, quand tu as la confiance, ben, tu commences à jouer ce que tu penses qui est bon, puis si c'est vraiment bon, ben, ça va mieux, etc. Puis est-ce que dans ces années-là, tu faisais partie d'une équipe? Ouais, dans le fond, c'est nous qui avons formé Team Mana Deprive, qui est maintenant Team Face-to-Face Games. Mm-hmm. Dans le fond, c'était moi, Alex Hain, Dan Lantier, Noah Long, puis David Kaplan. Ok, ouais. David Kaplan. Fait qu'on a starté, puis là, évidemment, la seule personne qui reste à la team qui était là au début, c'était Alex Hain. Ok. Maintenant, là, tu sais, c'est pendant le course avec John Stern, etc. Mm-hmm. Puis j'ai malheureusement quitté la team après Dublin parce que Dublin, c'était mon dernier pro tour avant mon déclin d'un an. Ok. Fait que puis pour cette année, le prochain qui s'en vient, les autres, ils se sont affiliés avec Channel Fireball. Ah ouais, qui okay. ont formé une méga team pour DC. Ils m'ont pas demandé, mais moi, ça m'intéressait pas pour ce tour-là de tester en team parce que j'ai comme connecté un peu les points, puis mes succès sur le Pro Tour, ça a été beaucoup quand je testais par moi-même. Ah ouais, ok. Enfin, j'ai eu du succès au Pro Tour sur le Pro Tour, le tournoi Pro Tour et non Grand Prix à mes débuts. Puis je travaillais pas mal par moi-même avec l'aide de quelques amis à Québec. Puis quand je me suis mis à être sur une team, ça s'est mis à vraiment mal aller. Je sais pas si c'est relié, c'est peut-être un addon. J'espère que c'est un addon parce que je veux pas relier ça à eux. Ouais, ouais. Mais des fois, ça peut être le fait que quand tu travailles en équipe, comme tu sais, tantôt tu disais, à un moment donné dans ta carrière, tu t'es mis à faire plus confiance à ton instinct, à ce que tu pensais qu'il était bon dans un deck. Il y a peut-être un peu ça. Quand on travaille en équipe, des fois, peut-être qu'on oublie des bonnes idées qu'on avait parce que bon, ben, on est en équipe avec du monde puis on fait des compromis, mais peut-être que des fois, travailler seul, ça a l'avantage que quand on pense qu'on peut avoir une idée originale qui est bonne finalement, puis aller au bout de cette idée-là. Oui, c'est exactement ça en fait. Mais il y a aussi le downside que quand tu es moins, ben, il y a beaucoup de inbreeding, là, je ne sais pas c'est quoi le mot français, là, mais justement, tu as une idée, tu penses qu'il est bon. C'est quoi? De consanguinité. Ouais. Mais en fait, c'est plus, mettons, t'as une petite idée, puis là, quelqu'un la rattrape, puis la fait grossir, puis quelqu'un qui la prend, puis l'amène ailleurs, puis ça la... Est-ce que c'est dans ce sens-là, l'inbreeding? Ben, c'est plus genre, mettons, si je suis... c'est l'inbreeding en team aussi, mais c'est souvent parce qu'il y a une idée qui grow, puis genre... excuse-moi, j'ai grossi, hein? Mon anglais, là. C'est pas grave, aucun problème. Puis l'idée grossit, puis tu sais, c'est bon contre, mettons, nos decks à nous, mm-hmm. mais tu sais, s'il y a quelques changements dans les decks de playtest à quelqu'un d'autre, finalement, cette idée-là n'est pas tant bonne. Puis là, ben, on pense tout que c'est bon, puis on arrive au poteau, puis finalement, le monde y joue. Ils ne sont pas exactement comme on avait. Je comprends, c'est que dans le fond, ça c'est... Quand tu joues contre un deck en particulier, puis que là, tu vois que tu perds contre ce deck-là, tu décides de faire des changements contre ce deck-là, mais là, ça change ton match-up contre les autres decks que tu avais testé avant. C'est ça. Tu gardes une approche globale. Il peut avoir une enflure sur une idée qui finalement n'est pas réaliste dans le tournoi. Puis ça, c'est un peu l'effet d'une équipe qui s'emporte un peu autour d'une idée, par exemple. Exactement. Des fois, ça fait ça, mais ça arrive beaucoup plus souvent quand tu es individuel aussi. Parce que, tu sais, là, si je teste par moi-même, ben, je vais penser une affaire est bonne. Puis là, j'ai personne pour me démentir, puis tu sais, donner son opinion. Fait que c'est un peu le désavantage d'être tout seul. Mais bon, je veux le réessayer parce que c'est avec ça que j'ai eu du succès dans le passé. Fait que je veux essayer ça pour DT. Celle, je vais voir. Je dirais que je sais pas c'est quoi l'avis de Philippe Asselin, mais comme il dit, je suis pas mal sûr que je vais coucher en pierre avec Philippe Asselin. Donc, ça. Écoute, ça serait génial parce que c'est une des choses que moi je trouve qui peut être vraiment intéressante, c'est que si justement les joueurs québécois se connectent entre eux, puis pas nécessairement justement créer une équipe, mais plus de dire bon que les joueurs québécois, qu'il y ait des canaux de communication qui sont ouverts et qu'on puisse... finalement parler Magic puis jouer à Magic ensemble puis s'entraider, mais tu sais c'est le fun quand du moins ça arrive, en tout cas de mon point de vue, parce que c'est veux pas quand on joue à Magic au Québec, on a si on peut parler de Magic en français, je sais pas moi, en tout cas c'est un peu pour ça qu'on a parti la balado, moi et Renaud aussi, c'est de pouvoir parler de... C'est ça, exactement. En québécois, au québécois. Donc, le gars qui parlait de Magic en français à un français, il comprend rien. Ah, c'est ça. Exactement. On vit au niveau Magic un peu la même chose qu'on peut vivre à une autre échelle, mais on en parlait, Renaud et moi. Nous deux, on est on tient à la qualité du français et tout ça, mais c'est comme si Magic avait son propre langage au Québec, c'était le langage Magic. Là, c'est... Exactement. Ouais. Super. Donc, oui, Renaud? Juste un petit mot là, pour dire Philippe Asselin, il a commencé à jouer en 2010, donc ça a quand même pris un bon 4 ans avant que. Qui se qualifie lui avec. Je pense que t'as pas à te décourager du temps que ça t'a pris à te qualifier au proto. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, je pense qu'il y a eu, tu sais, ok, faire top 8 d'un PTQ, là, ça m'a pris, je pense que ça m'a pris quelque chose comme 4 ans, là, puis je veux même pas savoir combien j'en ai joué. Parce que, tu sais, Philippe, là, je l'ai vu pour la première fois, là, peut-être 2 ans et demi, 3 ans, puis tu sais, j'ai joué contre, puis tu sais, il m'a impressionné, là, dans le fond. J'étais vraiment impressionné, puis tu sais, je pense que c'était juste une question de temps avant que tu fasses le Pro Tour. Ouais. Alors que, en tout cas, je ne sais pas c'est quoi l'impression des gens avant que je fasse le Pro Tour de moi, mais je pense pas que je t'ai vu comme quelqu'un que, qui s'attendait à ce que tu fasses le Pro Tour comme joueur en main. Mm-hmm. En tout cas, bref. Mais c'est intéressant, par exemple, parce que moi, je trouve que c'est, pour moi, en tout cas, ma perception de la scène compétitive, c'est justement, c'est comme si c'est pas toujours facile ou le tremplin entre, disons, on va appeler ça... Grinder. Ouais, c'est ça, les grinders, puis ceux qui réussissent à se qualifier, on dirait que la marche, elle a l'air d'être pas évidente à prendre, puis j'ai vraiment hâte de voir l'effet de la nouvelle structure sur justement ça, quel type de joueur va réussir à maintenant se qualifier avec la nouvelle structure, en tout cas, ça va être bien intéressant à suivre. Ouais. Mais si on revenait à toi, donc on a parlé un peu de la période 2011-2012 où quand même, tu as fait des belles réalisations, donc 3 grands top 8, tu as été dans des pro tours. Ensuite, c'est ça, il semble avoir eu un passage plus difficile, tu l'as évoqué tantôt, un passage où, c'est quoi, t'as quitté l'équipe face-to-face, puis là, Je sais pas si ça concorde ou quoi, mais... Non, c'est pas que j'ai quitté, c'est que j'étais plus qualifié au Pro Tour. Dans le fond, j'ai eu deux Pro Tours d'affilée où est-ce que j'ai fait 0-5 puis 1-5. OK. Puis évidemment, ça me donnait pas... Ça allait pas bien dans les Grands Prix non plus. Fait que là, j'étais pas capable de se faire assez de points pour être le plus bas statut Pro Player, c'est-à-dire Silver. OK. Et donc, j'étais plus capable de me requalifier au Pro Tour d'après. OK. Même avec les PDQ, les Grands Prix, j'ai juste... Dans le fond, pendant un an, j'ai juste pas été capable de me requalifier sur le Pro Tour. Fait que c'est pas nécessairement que j'ai quitté l'équipe. Là. OK. Fait que... Mon statut me l'empêchait. Ben c'est ça, c'est que finalement, une fois que tu es qualifié pour le Pro Tour, c'est à partir de ce moment-là que ça devient le plus, je ne vais pas utiliser le terme facile, mais que tu as le plus de chances de rester sur le Pro Tour une fois que tu es rendu finalement. Puis une fois que tu commences à redescendre les échelons, disons, dans la structure, ben là, il faut que tu recommences au PTQ, puis là, il faut que tu te reclasses. Mais, parce que c'est dans les Pro Tours, c'est là que tu as la chance de gagner le plus de Pro Points, j'imagine, puis que c'est là que tu peux rester en place. Ouais, si tu veux faire plusieurs autour de la flip et être sur le train qu'on appelle, le gravy train, c'est sûr que il faut que tu sois qualifié au plus de proto possible parce que c'est là qu'il y a le plus gros nombre de pro points que tu peux faire. OK. Fait que juste avec les Grands Prix, c'est quasiment impossible là, de toujours être qualifié sur le proto. Et donc, justement, si je passerai déjà à aujourd'hui, justement, puis c'est quoi tes objectifs, puis qu'est-ce que tu vises, mais j'aimerais ça qu'on passe à travers la période, justement, dont on a parlé. Qu'est-ce que tu expliques dans la période où tu n'étais plus sur le Pro Tour? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton jeu? C'est une question de confiance. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie de joueur de Magic, disons, pour qu'il y ait une différence, peut-être, dans tes résultats? C'est sûr que là, faire deux trop tours d'affilée où est-ce que tu fais 0-5 puis 1-5, c'est démoraisant. Il y avait un petit peu de conflit dans la team. Rien de super gros. Là. Ça fait juste ajouter. Ça n'allait pas super bien dans ma vie personnelle non plus. C'est vraiment un mélange de tout là, que je ne peux pas vraiment dire. Là. Mettons que j'ai analysé après un an qu'est-ce qui a fait ça. Puis je dirais que ça ressemblait à ça. Là. OK. Donc vraiment un amalgame. Un amalgame, là, puis tu sais, encore là, comme je disais, l'effet boule de neige, parce que quand tu gagnes, ça va bien, tu as confiance, tu gagnes encore plus, parce que tu es super focus. Mais quand tu perds, c'est exactement l'opposé, là. Tu perds, fait que là, tu sais, on dirait que tu es comme tout le temps en tilt, tu vas à un tournoi, puis tu dis, ben tu sais, faut que je rentre là avec, en te disant, faut absolument que je gagne. Là, tu perds ton premier round, c'est super démoralisant, puis tu dis, ouais, je perds encore, tu sais. Juste un effet boule de neige qui fait que finit plus. Là. Ouais. C'est vraiment dur de se remettre. Là. Mais là, on dirait que tu as vraiment réussi à trouver une zone, en tout cas dans laquelle, parce que tu as fait deux super performances dans deux Grands Prix qui étaient côte à côte. Il y avait celui d'Ottawa et celui d'Omaha. Donc, tu as réussi à faire le top 8 de Grand Prix d'Ottawa. C'était le format limité Cons of Tarkir. Ouais. Et ensuite, Omaha dans le format moderne. Donc, là, tu te sens où dans ta game, disons, dans ta préparation, dans ta condition mentale? Est-ce que c'est clair que tu es dans une bonne zone et que tu dois voir l'année 2015 comme un moment de revenir en force, j'imagine? Oui, ben c'est quand même drôle parce que, dans le fond, tout de suite avant Ottawa, moi, j'avais le lundi après Ottawa, j'avais un billet d'avion pour aller aux Philippines 3 semaines en vacances chez un de mes amis. Okay. Parce que, comment ça allait pas super bien dans ma vie personnelle, ça allait pas bien à Magic. C'est un de mes amis que je vais voir quand ça va pas bien. Hein. Il est récemment déménagé aux Philippines. Je vais aller le voir. Tant qu'à faire, je vais aller à Ottawa. J'étais préparé déjà un peu à cause que j'avais joué la saison de PTQ limitée. Je connaissais quand même bien le format. J'étais à l'aise. Je me suis pas vraiment préparé dans la semaine. T'sais, ma semaine était relax avant le Grand Prix. Je me dis, je vais aller en vacances. Je m'en foutais. Là, ça allait pas bien. C'était pas grave. Là. Tu y allais plus pour le plaisir de jouer, finalement. C'est ça. C'est un Grand Prix proche. C'est sûr que je vais y aller. Puis, je veux pas dire qu'il y a un lien entre être pas focus, puis en se disant qu'on s'en fout du tournoi, puis gagner, là. Mais là, il y en avait un, puis ça s'est bien passé. Fait que là, je suis comme parti aux Philippines en me disant, bon, ben, ça va être vraiment juste des vacances, je vais juste relaxer, puis je vais revenir, puis je vais continuer ce que je faisais, voilà, un an. Ouais. C'est ça, en revenant, ben là, tu sais, j'étais super pump, puis genre, tu sais, j'avais déjà booké pour Amaha super à l'avance, puis là, je me disais que je voulais tester pour le Pro Tour. Moderne. Ouais. Finalement, ça ne sert absolument à rien parce que j'ai joué un deck qui est banni. Ouais. Ah ouais, hein? Ouais, c'est clair. Mais c'est ça. Puis, tu sais, dans le tournoi, ben, Omaha, C'est sûr que la chance a rapport là-dedans aussi. Là, quand, au Grand Prix, là, j'avais un Sir Deck que je considère assez mauvais. Puis j'étais vraiment chanceux là, dans mes draws. Là, j'étais vraiment chanceux, bref. Puis à Omaha, ça allait bien aussi. Je faisais super bien. Puis, c'est un facteur qui aide. Je trouve ça super intéressant où est-ce que ça va parce que on sent une tangente. Je pense qu'à un niveau super élevé de Magic, où est-ce que tu es, les aptitudes pour jouer, c'est très en lien avec justement la prédisposition mentale dans quelle t'es. Puis là, tu vois, quand tu étais relax, puis tu disais, OK, ben, tu sais, je vais jouer ma game, puis on verra bien, plutôt que d'y aller, faut que je gagne. Puis... Fait que vraiment, l'état d'esprit dans lequel on est quand on est à un niveau ultra élevé de n'importe quel sport, parce que là, je fais un petit clin d'œil à Renaud, parce qu'on a un article qui essaie de faire des parallèles entre qu'est-ce que ça prend pour être un athlète et qu'est-ce que ça prend pour être un bon joueur de Magic. Puis il y a beaucoup d'éléments en commun. Ouais, je suis vraiment d'accord. Là. Je suis vraiment quelqu'un qui pense que, en fait, que je trippe même pas tant que ça à jouer à Magic. Ce que j'aime à Magic, c'est vraiment tout l'alentour, la préparation, puis etc. Fait que je peux pas être plus d'accord avec vous que la préparation mentale, c'est vraiment important. Vraiment intéressant tout ça. Puis donc, dans ce cas-là. Moi, j'aurais une chose à dire. Il y a aussi, quand tu es dans une espèce de cercle vicieux où tu n'es pas capable d'analyser. Puis tu remets la faute sur autre chose, puis tu n'es pas capable d'analyser ce que toi-même t'as fait comme erreur pendant tes parties. Ouais. Ben, c'est facile de blâmer la chance, puis de dire que c'est ton top deck ou que ton adversaire a mieux pigé que toi, puis que c'est juste la variance à la fois qui t'a fait perdre. C'est ça. Mais puis souvent, moi, je parle personnellement, là, les bouts où est-ce que ça allait pas bien à Magic, je me sentais pas responsable de ce que je faisais pendant que je jouais. Puis c'est quand j'ai commencé à reprendre cette responsabilité-là que j'ai pu avoir un peu de succès. Là. Même si je me suis pas qualifié pour le tour. Mais c'est absolument vrai. C'est à peu près dans la même ligne que tout. Puis c'est pour ça que j'ai écrit cet article-là sur le fait que Magic est un sport, à mon avis. Vraiment cool. Et donc, pour toi, Pascal, donc, l'année 2015 s'annonce fort intéressante. C'est quoi là, les grands moments qui s'en viennent pour toi? Là, dans le fond, je suis à 5 points. Dans le fond, je suis assuré d'avoir au moins 15 pro points cette année. Okay. Un minimum de 15 pro points. Ça, c'est si je finis dernier aux deux pro tours, mettons. Okay. Fait que là, je suis à 5 pro points de être silver qui me qualifierait pour le dernier pro tour de l'année, le seul que je ne suis pas qualifié cette année, puis le premier d'année prochaine. Puis en plus, maintenant, silver, ça donne l'invitation à toutes les regional PPP. Fait que si jamais l'année prochaine, après le premier pro tour, je suis toujours pas qualifié, bon, ben, je peux essayer de me requalifier avec les regional PPP sans avoir à jouer les PPP. Wow. Fait que c'est sûr que ça, c'est mon but numéro 1, ramasser mes 5 pro points pour m'assurer de silver. Fait que là, j'ai commencé par booker mon billet d'avion pour Mexico dans 2 semaines, puis Vancouver la semaine ou 2 semaines après le Pro Tour, en fond. OK, wow, fait que tu vas voyager beaucoup dans l'année 2015 pour Magic. Ouais, c'est sûr. Là, dans le fond, les années où est-ce que j'ai fait... les années que j'étais sur le Pro Tour, dans le fond, que j'étais toujours qualifié, je jouais pas mal tous les Grands Prix dans le Nord de l'Amérique. Puis je compte faire la même chose. C'est vraiment... Pour toi, à ce sujet-là... Ben, je sais qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, puis que c'est Wizards qui décide comment ils organisent leur play, là. Mais admettons, prends quelqu'un comme Philippe Asselin qui se qualifie pour l'avant-dernier Pro Tour de la saison. Ouais. Ça lui donne pas mal moins de temps pour ramasser les 20 points de silver. Est-ce que tu penses que c'est raisonnable comme façon de faire, ou il devrait avoir un système de tennis ou quelque chose? Puis est-ce que tu penses que ça t'a coûté des invitations ou un level l'année passée? D'avoir fonctionné comme ça. Je vois ton point, puis en fait, moi aussi, ça m'a. Ben, en fait, le système que les points reset à chaque année comme ça, peu importe quand tu arrives dans la saison, c'est sûr que c'est un petit peu bizarre. Il y a déjà eu un fixe à ça, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait Silver, Gold, Platinum, c'était des levels, puis il y avait un espèce de fixe pour ça. C'était quand tu étais level 4, ça prenait 20 points pour être level 4. Mais si tu ramassais 25 en 2 ans, ça comptait aussi. Mm-hmm. Okay. Fait que je pense qu'il devrait peut-être faire quelque chose du genre. C'est aussi le même problème pour le Rookie of the Year. C'est comme Philippe qui arrive à l'avant-dernier pro tour. Mais en fait, je pense que Philippe a déjà eu un pro point avant cette année. Ouais. OK, bon, ben, ça marche pas dans son cas. Mais moi, c'était mon cas. Mon premier Pro Tour, c'était les Worlds, qui étaient l'absolument le dernier jour de la saison. Ouais. J'avais aucune chance d'être Rookie of the Year, à part que je gagne les Worlds. Ben, c'est sûr que ça, c'est un peu étonnant. Mais je pense qu'il devrait faire peut-être de quoi du genre, comme je disais avec level 4 avant, là. Que si tu accumules X Pro Points sur 2 ans, puis que tu étais, mettons, Rookie ou de quoi du genre, peut-être il pourrait faire de quoi, là. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, vu que la saison commence à un point X, dépendamment de ton arrivée sur le circuit dans la saison, tu as moins de chances de te faire valoir dans une saison précise. Mais en même temps, si on fait à ton avis, pourquoi ils ont fait le changement, y avait-tu des bonnes raisons? Est-ce que tu sais? Ou c'est... Ben, en fait, je pense que juste quand ils ont fait le changement de Silver, Gold, Platinum au lieu des levels, ça ne l'a juste pas suivi. Mm-hmm. C'est ce que je pense, puis je pense qu'ils ont juste peut-être pas reconsidéré. Oh ouais. Et donc, pour cette année, dans le fond, si tu réussis à être silver, donc ça voudrait dire vraiment une autre année, même pour 2016, tu serais déjà entamé parce que tu serais déjà qualifié donc pour le pro-tour, du premier pro-tour de la saison. Donc là, c'est là que c'est le plus payant finalement. Quand tu es qualifié pour le premier pro-tour d'une saison, c'est vraiment là que ta saison est la plus payante. Ça ressemble un peu à mon état en ce moment, je dirais. Mm-hmm. Moi, c'est comme... Là, je vais jouer le deuxième Pro Tour de l'année, puis j'ai quand même un nombre raisonnable de Pro Points. Mm-hmm. Fait que je dirais que, évidemment, j'aimerais mieux cette année être capable. Mon but, c'est de me rendre au moins Silver pour être capable de jouer un an de Magic sur Pro Tour. Ouais. Mais évidemment, mon but ultime, c'est d'être Gold ou Platinum. Là. Puis, tu sais, je suis dans un spot où est-ce que je serais capable de faire ça. Parce que j'ai assez comme de Pro Tour et de Grand Prix pour que ce soit réaliste de le faire. C'est sûr que ben, si je réussis pas, ben, au moins je peux recommencer l'année prochaine, puis je vais commencer du point A. T'sais. Ouais. C'est comme un genre de backup plan. T'sais. Ouais. Puis écoute, Pascal, avant de te laisser partir, parce que je sais que tu as un draft de préparation qui est là, j'aimerais ça savoir un peu justement comment tu perçois la scène Magic québécoise ou qu'est-ce que tu aimerais pour la scène de Magic québécoise pour pouvoir l'améliorer? C'est à quel point. Sur quoi tu penses qu'on peut travailler au Québec pour améliorer la scène compétitive de Magic? Je pense que elle s'est vraiment améliorée dans les deux dernières années. Okay. Je regarde ça, puis tu sais, avant, il y avait la plupart des bons joueurs, ils restaient comme un peu en gang, tu sais, puis ils laissaient pas nécessairement d'aider les autres. Fait qu'il y avait rarement de nouveaux joueurs qui devenaient bons, qui devenaient sur le poteau. Je pense que, tu sais, Alex Singh qui a gagné le Pro Tour en 2011, 2012, je me souviens plus. Ouais, ça a mis comme le Canada sur la map. Je veux pas le monde du Québec qui voit qu'un Montréalais a gagné un Pro Tour, ils se disent, on est peut-être capable de faire ça nous aussi, ou bien, tu sais, ça nous donne le goût de le faire. Mm-hmm. Et, là, après ça, Team Mana Deprive, le site Mana Deprive qui a mis le Québec comme un peu, ben, le Québec ensemble, surtout le Canada, là, en fait. Oh, ouais. Une espèce d'effet de ralliement, là, puis après ça, on s'est mis... Avant, il y avait juste des PTQ à Québec, à Montréal, excuse-moi. Mm-hmm. Non, on s'est mis à en avoir à Québec aussi. Et récemment, il y en a eu un à Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Richelieu. Mm-hmm. Là, avec les PPTQ maintenant, ça fait que tous les magasins sont capables d'avoir, peu importe où dans le Québec, sont capables d'avoir un tournoi relativement gros, donner une espèce de soif compétitive à tous les joueurs, peu importe ce que t'es. Je pense que ça va... C'était déjà le cas, là, avec les joueurs comme... Kevin Anctil, Alex Rochette, qui ont tous les deux joué des pro-tours là, dans leurs deux premières années de jeu, ils ont chacun joué deux pro-tours, puis par cinq, bon, ça fait 4 ans, mais bon, c'est super bon pareil. Quelques joueurs de Montréal aussi qui se qualifient, puis un gars de Trois-Rivières récemment, tu sais, c'est vraiment, j'ai jamais vu autant de personnes du Québec se qualifier dans les trois dernières années au pro-tour. Je me souviens qu'avant, quand je montais à Montréal, c'était toujours quelqu'un d'ailleurs qui gagnait le PTQ. Ah ouais, toujours okay. Des Anglais. C'est malade, là. Ça a vraiment grossi la scène récemment. Je pense que ça va encore plus grossir avec la scène des PPTQ, etc. C'est génial, ça. Ben, écoute, merci beaucoup, Pascal. Renaud a une dernière question avant qu'on laisse Pascal retourner à sa préparation. Oui, ben, c'est quoi les deux rares de ton deck que t'as croché tout le monde avec? Ice and Serve Arachin, puis le démon 5-4 dans la nouvelle série. Ouais. Le démon, il a de l'air pas pris. Ah, je l'aime, mais lui. Quand tu fais tour 4 ça, puis tour 5 démon, ben, permet ça gagne. Super. Ben, écoute, merci Pascal d'avoir pris le temps de venir nous voir. Puis, si jamais ça te tente, on te réinvitera un moment donné pour venir nous parler un peu un post-mortem de ta saison 2015. Ce serait super le fun. Parfait. Ben, merci à vous. Puis bonne fin d'épisode. Salut, excellent, bonne merci. Chance avec les brews en moderne. Hein? Bonne chance avec les nouveaux brews en moderne. Ah, merci beaucoup. Ouais. All right. Salut, Pascal. Salut, les gars. À la prochaine. Prochaine. Alors, c'était M. Pascal Ménard. Renaud, c'était fort intéressant tout ce qu'on a pu toucher, je trouve, dans cette entrevue-là. Et tu as bien fait de parler un peu du brew en moderne parce que, comme Pascal le disait pendant l'entrevue, le deck qu'il jouait, qui jouait, je crois, des Treasure Cruise, n'est-ce pas, ne pourra plus être joué du moins tel quel parce que Wizards a annoncé aujourd'hui une nouvelle liste de cartes bannies en moderne. En effet, moderne, c'est un format qui est... En fait, beaucoup de chamboulement en moderne, en legacy et en vintage. Puis il y a certaines personnes qui peuvent peut-être jouer vintage sur Magic Online. Mm-hmm. Treasure Cruise a reçu un gros marteau d'en face. C'est rendu... c'était quoi le nom du bateau italien, là? Ah oui, qui a coulé. Je ne sais pas c'est quoi son nom. On le trouvera et on le mettra dans les notes de l'épisode. On fera une belle affiche avec le bateau italien pour Treasure Cruise. Mais ouais, ben donc, peut-être si tu prenais un moment pour faire le tour de ce qui se passait, puis un peu, toi, qu'est-ce que tu perçois comme effet sur les formats, là? C'est le Costa Concordia. C'est ça, le Costa Concordia. Le Treasure Cruise, c'est rendu Treasure Concordia. Ouais. Non, mais donc en moderne, Treasure Cruise, peut pas juste Treasure Cruise. Ils ont dit, ben, si on bannit Treasure Cruise, faut bannir aussi Dig Two Time. Mm. Parce que c'est des cartes remplaçables, là, ça fait à peu près un effet similaire, même si, bon, dans la tête de plusieurs, là, Treasure Cruise est meilleur parce qu'il coûte juste un plus. Mm-hmm. Mais c'est un effet similaire. Puis il y a certains decks même qui préféraient Dig Two Time comme Scape Shift, par exemple, parce que ça leur permet de trouver le combo plus rapidement. Ouais. Puis ces deux cartes-là étaient vraiment, vraiment oppressantes. Ouais. Puis, autre grosse nouvelle, Birthing Pod, qui est banni. C'est un deck très puissant, un des decks les plus joués de moderne. Puis, maintenant, on va retourner à des versions plus... mid-range de junk. Probablement que Abzan, maintenant qu'on dit, avec Siege Rhino, et puis Siege Rhino, c'est presque ma Blood Braid Elf. Ouais. C'est probablement même meilleur parce que c'est 4-5 Trample. Ouais. Donc on devrait revenir à des versions plus comme ça, ou même John. Ouais. Pour trouver un peu ses lettres de noblesse avec le départ de Birthing Pod. Puis finalement, une nouvelle carte, Golgari Grave Troll, qui a fait beaucoup de ravages dans le temps en Extended, puis qui fait un des decks les plus puissants s'il n'y a rien pour le gérer en Legacy, Dredge. Ok, ouais. Qui utilise le cimetière comme une ressource qui permet de piger virtuellement des cartes, juste en mettant des cartes dans ton cimetière. Mm-hmm. Là, on parle ici des possibilités de jouer avec Golgari Grave Troll en moderne. On parle de Vengevine, Bloodglass, Gravecrawler. C'est le genre de cartes qui peuvent être jouées. Ouais. Qui faisait vraiment que Golgari Grave Troll était cassé quand c'était joué en Extended, c'était Narco Moeba, Dread Return, puis Bridge from Below. Okay. Puis ça permettait aux gens de mettre des Narco Moeba gratuitement en jeu, avec les Dread from Below, sacrifier les Narco Moeba, mettre des 2-2 parce que t'es sacrifié avec Dread Return, tu ramènes une créature qui te donne ace à toutes tes créatures, puis le tuer sur le coup. Ok. T'étais capable de tuer en un tour, puis c'était quasiment un deck combo aussi. Là, Dread Return est resté banni, par chance, parce que ce serait vraiment un deck dégénéré, mais on va voir s'il y a des gens qui sont capables de faire juste avec Vengevine, Bloodgast, Gravecrawler, de faire quelque chose là, qui puisse, ou même quelque chose de totalement différent avec peut-être même Unburial Rites ou quelque chose du genre, de faire un deck avec Golgari Gravecrawler. C'est au moins intéressant. Puis si ce deck-là fonctionne, ben là, ça serait le genre de deck qui peut compétitionner avec un des decks comme John ou Junk. Ouais. Qui ont de la misère parce qu'ils attaquent la main avec Tatis contre deck Dredge, c'est vraiment pas bon là. Ouais, c'est clair. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Wizards travaille là-dessus. Puis la première, c'est la diversité du format. Ça aide. Quand le format est assez diversifié, ça aide les joueurs à embarquer dans le format. Okay. Parce qu'ils peuvent prendre un deck qui est peut-être un peu moins bon, un peu moins optimal. Mm-hmm. Ou une stratégie un petit peu plus marginale. Mm-hmm. Comme par exemple Soul Sisters, qui est un deck avec des Soul Warden, puis des Serassans, ouais, des trucs comme ça. Ouais. Ou même un deck Mono Rouge Burn. C'est des decks qui vont coûter moins cher à construire, mais qui vont quand même être capables de compétitionner. Mm-hmm. Tandis qu'avec avec ce qu'il y avait, comme Burning Pot, puis ça créait une espèce de metagame où il y avait juste comme 3-4 decks vraiment dominants. Ouais. Ça, ben, ça crée de la rareté d'un carte, puis ça fait que le format coûte plus cher pour les joueurs aussi. Mm-hmm. Puis, plus le temps avance, plus le format perd de l'intérêt auprès des joueurs. Quand c'est tout le temps les mêmes decks qui reviennent, ça revient pas mal au même. Donc, ils essayent de susciter de la diversité aussi à ce niveau-là pour que les gens s'ennuient pas de jouer à Magic. Ouais. Continuent de vouloir innover, puis trouver des nouvelles idées. Puis là, comme avec Golgari Gravetrol, ben il y a plein de gens qui vont sauter sur leur carte et essayer plein d'affaires pour essayer de casser ça parce que c'est une carte qui a du potentiel. Burning Pod comme carte, je trouvais que oui, ça créait un deck qui était très fort, qui était même dans une certaine portion de moderne, c'était c'est trop fort, mais ça créait des decks qui étaient quand même très complexes à jouer avec des cartes qui sont... Je trouvais que c'était un deck quand même intéressant à voir jouer aussi. Mais j'imagine qu'il y avait des bonnes raisons. Toi, c'est quoi que tu penses qu'ils ont vendu sur le fait de bannir Burning Pod? Dans les dernières années, il y a eu 12, selon Wizards, là, les raisons que Wizards a données, dans les 12 derniers Grands Prix modernes, Burning Pod a gagné 5 fois. Mm-hmm. Puis c'est le plus haut pourcentage de deck joué, c'était Burning Pot. Mm-hmm. Puis si je me fie au deck, au site MTG Top 8 qui fait un recensement des decks joués dans les top 8 des événements compétitifs SCG, Grand Prix, ben SCG n'a pas de format moderne, mais Grand Prix et BTQ, BPTQ, etc. Burning Pot était 16% de la metagame, puis des deux derniers mois, puis 16% pour Blue Red Delver avec Treasure Cruise. Mm-hmm. Puis ensuite de ça, là, ça baisse assez drastiquement. Là. Après ça va à 7% des autres decks, 7-8% pour les autres decks. Donc, c'était un deck qui était très joué, qui était dominant, puis qui faisait en sorte que c'était un incontournable dans la metagame. Les gens devaient absolument se préparer à ça, puis ça limitait le choix de deck en raison de ça. OK. Mais c'est qu'en même temps, moi, ça, je ferme un peu mon avocat du diable sur ça, c'est qu'à un moment donné, il va tout le temps avoir un deck fort. Puis, s'ils se mettent à toujours bannir le deck qui est bon, je veux bien croire qu'ils veulent pas que tout le monde se mette à jouer le même deck, mais... C'est parce que ça va faire aussi que justement, je voyais des gens, mettons, quelqu'un qui aime son deck moderne, qui a pris le temps de le monter, qui arrive enfin à l'avoir tout, puis là, soudainement, je peux plus le jouer. Ah, ok, d'accord, tu sais, puis là, ensuite, t'en trouves un autre que t'aimes, puis là, tu le montes, puis oui, ça tombe qu'il est très bon, puis qu'il est joué par 16% du monde qui joue moderne, mais 16% non plus, là, c'est pas la mort, là, c'est pas comme si 40% des, joueurs, des gens qui jouent à Modern jouent ce deck-là. Puis là, soudainement, ah, tu montes ton deck, puis ah non, tu peux plus jouer. Fait que je comprends les arguments de Wizards qui disent, bon, mais ça a gagné 5 des 12 derniers événements, donc la moitié des derniers événements à peu près, et que on a un fort pourcentage des joueurs jouent ce deck-là, mais je trouve pas que c'est des bons arguments pour dire qu'on va bannir une carte, tu sais. Je trouve que... prends le deck de Birthing Pod. Mm-hmm. Enlève les Birthing Pod. Mm-hmm. Parce que c'est ça de ce dont il est question. Ouais. Avec les Siege Rhino maintenant, mm-hmm. les Kitchen Things, de l'accélération pour les jouer. Tu peux très bien remplacer les 4 Birthing Pod par Elspeth Knight Errant, puis on a même le Sorin, Lord of Nistrad, tu sais. Mm-hmm. Ou il y a des Planeswalkers qui peuvent remplacer bon, les Birthing Pod, puis avoir une certaine value dans les cartes que tu joues, puis avoir un deck compétitif quand même. C'est pas tout le deck, les cartes qui sont jouées dans Birthing Pod étaient déjà bonnes en moderne comme tel. Sauf que le fait de jouer Birthing Pod, ben, ça te donnait effectivement comme 12 copies de plus de toutes tes cartes dans ton deck. Ouais. Parce que t'as les 4 de base pour Birthing Pod, puis après ça, pour chaque activation, t'avais une copie de plus de chaque carte que t'avais dans ton deck quasiment. Ouais. Fait en sorte que c'était dégénéré, puis ça rendait les parties très... Ça donnait beaucoup plus de constance au deck que n'importe quel autre deck de créature. Ouais. Tandis que là, ben, quelqu'un qui a des Wild Nakatol puis des Geese of Syntraf, ben, va pouvoir les jouer, puis avoir une chance raisonnable de gagner contre ceux qui jouent des Kitchen Fix puis des Siege Rhino. Ouais. Je pense que c'est raisonnable de croire que les gens vont pouvoir encore utiliser les cartes qu'il y avait dans leur deck de Birthing Pod, puis pas tout jeter ça au vidange. Là. Mm-hmm. Moi, je pense que tu rajoutes un peu de discard spell, puis tu as un deck. Un discard spell, 2-3 Planeswalker, puis tu as un deck qui est capable de gagner encore. Ok. Je t'ai pas vos cartes. Ils sont encore bonnes. Excellent. Il y a quelques choses qui vont changer, là. Puis le sideboard aussi, parce qu'il va falloir s'ajuster en fonction de la nouvelle metagame. Oui. Non, les cartes sont encore bonnes. Et puis moi, je suis content parce que moi, j'aime Snapcaster Mage, c'est une de mes cartes préférées. Puis là, avec Treasure Cruise puis Dig Through Time, ça les nombres réduisaient dans les listes, puis j'étais triste parce que je trouve que c'est une belle carte bien faite. Puis ben là, vu que Treasure Cruise est parti, peut-être que Snapcaster va revenir. Faut trouver un moyen de générer de la value. Là. Ouais, c'est ça. Faut trouver un moyen de générer de la valeur sur tes cartes. Et voilà. C'est une bonne. C'est bon ça. Puis ben, peut-être justement si. Mettons que je te lance un peu là, sur une piste. Puis dis-moi si ça t'intéresse. Mais justement avec Golgari Grave Troll, la nouvelle carte. Toi, est-ce que avec les decks qui existent déjà, est-ce que ça a une place directe dans un deck ou ça va prendre. Pense un peu plus de, disons, pour créer un nouveau deck pour cette carte-là? Ben, l'endroit le plus plausible, c'est vraiment Dredgevine, mm-hmm. qui est un deck marginal qui a mis quelques résultats par-ci par-là, mais vraiment pas exceptionnel. Il faut mm-hmm. dire qu'il n'y a pas grand monde qui joue à ça. Le deck est aidé par le fait qu'il n'y ait plus de Trite Shaman quand ils ont validé Trite Shaman. Mm-hmm. Puis là, le deck a un moyen de dredger vraiment beaucoup. Puis pour 5 mana, souvent, si tu as plusieurs créatures dans ton graveyard, ben, ça va être peut-être une 5-5, une 6-6, peut-être une 8-8 pour 5 mana. Mm-hmm. Même si tu l'as dans tes mains. Tu peux la ramener quasiment à chaque tour. tu peux jouer ça avec, comme je disais, des Gravecrawler, des Bloodghast, des Leftlet Troll pour le discarder et puis pouvoir commencer à dredger. Des Vengevine avec Crawler, ça peut être assez bon. Fait que dans le fond, ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir... Il y a peut-être une espèce de forme qui est là, mais... La forme existait déjà, c'était marginal. Moi, c'est de voir remplacer les Golgari Tog, qui devraient déjà juste 4, par des Golgari Grave Troll. T'as déjà beaucoup plus, tu vois 2 cartes de plus à chaque fois que tu dredges. Puis, t'as une créature qui est pas une 1-1, là, parce que Golgari Tog, c'était une 1-1. Là, t'as une créature qui vaut la peine d'être castée. Parce que, fait que déjà là, ça fait une bonne différence pour le deck, je pense. Est-ce que ça va être assez bon pour être tiers 1? Là, je sais pas. Je peux pas dire. Mais ça vaut la peine de l'essayer. Ouais. OK. Parce que surtout avec une carte comme ça, faut que ceux qui se préparent au proto, ça aurait été bon de te demander à Pascal, mais ceux qui se préparent au proto vont se questionner, est-ce qu'on a besoin d'être préparé dans notre sideboard contre le Gary Greftroll ou le deck trop marginal? Puis s'ils sont pas prêts, puis qu'il y a vraiment quelque chose de bon qui est jouable, puis qu'ils sont pas préparés, ben ils pourraient se retrouver à se faire battre à plus de couture, parce que c'est une carte qui peut être dégénérée. Ouais. Excellent. Puis, est-ce que tu aurais un petit mot à dire pour ce qui se passe avec Legacy et Vintage? Est-ce que je dois dire, par exemple, sur Golgari Greftroll, une dernière affaire. Moi, c'est mes impressions. Puis, j'ai déjà vu des gens jouer le deck, puis je le trouvais quand même assez bon, mais pas fou non plus. William Huey Jensen. Qui est au temps de la renommée. Il a dit, ouais. je pense pas que la carte va avoir un gros impact. Fait que, okay. Maintenant, est-ce qu'il a dit ça dans son article pour la jouer? Pour éviter des soupçons? je sais pas. Mais s'il dit ça, probablement qu'il a raison. Moi, j'ai fait confiance quand même aussi pour dire qu'il ne faut pas virer fou et se mettre à essayer d'acheter toutes les Golgari Greftroll que vous voyez, parce que ça risque pas d'être... Ça risque pas de monter à 100$. Non, c'est ça, exactement. Ça va pas, c'est pas une carte qui arrive. Ça va pas révolutionner le format, même si ça peut devenir un deck peut-être tier 1.5. Ouais. Donc, il faudra prendre en considération. OK. Pas intéressant. Donc, bon, évidemment, l'effet de bannir les Treasure Cruise en Legacy, on se doute tous que c'est pour éviter la pression des decks de Delver, c'est évident. C'était démesuré. Deck True Time, ça n'a pas été banni en Legacy, même si on a dit que pour Modern, c'était similaire. Mm-hmm. En Legacy, souvent, une land, deux lands, c'est tout ce que t'as, fait que peut-être même trois lands. Fait que la différence entre un mana puis deux mana est vraiment grosse. Wow. Donc, puis la différence entre deux cartes puis trois cartes en Legacy aussi est vraiment plus grosse qu'en Modern. Parce qu'en Modern, tu vas chercher une carte en particulier. En Legacy, il y a beaucoup de redondance. Ouais. Puis la troisième carte, elle fait vraiment une différence significative. Ouais. Là, il y a l'espèce de gros dragon. Ben, l'espèce de gros dragon, je sais pas, j'imagine qu'ils ont plus peur de lui. Là. Ouais, ils trouvent une Le offense. Combo, il se fait juste avec entre World Grogger, Dragon, puis Animate Dead. Ouais. Là, quand il arrive en jeu, tu exiles l'Animate Dead. Puis l'Animate Dead est plus en jeu, fait que tu sacrifies le World Grogger, Dragon, puis là, l'Animate Dead revient, puis là, tu reprends le World Grogger, Dragon, puis tu le remets en jeu. Mais ça, c'est qu'à chaque fois qu'il s'en va et que les permanents reviennent, tous les permanents s'en vont, tous les permanents reviennent, mais là tu peux mettre du mana dans ton mana pool sur le trigger. Fait que tu fais infini de mana. Si t'as un World Lock et un Grand Dragon avec un Animate Dead, tu fais infini de mana. Mais après ça, ben faut que tu fasses quelque chose avec ton infini. Ouais. C'est ça que Wizards a dit sur leur site. Ben, on sait pas si c'est vraiment meilleur que juste réanimer Grizzlebrand. Ouais. Puis Grizzlebrand, si tu le réanimes avec Reanimate ou Exhum, il va être bon pareil, tandis que World Grogger Dragon, il fait rien. Il fait rien, ouais. Jouer avec Animate ou Exo, ça prend vraiment Animated pour le faire. Donc, ils ont dit, ben, on va essayer quelque chose, puis on n'a plus peur de cette carte-là, puis ben, on verra ce que ça donne. J'ai pas l'impression que... J'ai l'impression qu'ils ont, ils ont testé un peu... ouais, sûrement. Pour arriver à dire, ben, Grizzle Brand est meilleur, puis les gens ne joueront pas au Gorgon Dragon. Ouais. Peut-être que... Peut-être, on sait pas, mais... je peux pas dire. Je peux ouais, pas dire. Un combo infini comme ça, c'est toujours le potentiel d'être dégénéré. Ouais. Ça va être intéressant à suivre. Je pense que Wizards, jusqu'à maintenant, les bandes qu'ils ont faites en moderne, il y en a que peut-être que c'était pas aussi nécessaire, mais en Legacy, je sais pas. Jusqu'à maintenant, moi, ce que Wizards a décidé de faire avec la banlist, ça, ça a bien fonctionné. J'ai hâte de voir où est-ce que tout ça va nous mener. Écoute Renaud, est-ce que tu auras autre chose à ajouter sur le sujet de la liste de cartes bannies pour tout ça? Je pense que Vintage, ça vaut pas vraiment la peine qu'on parle de Gifts en Given. Ça, ça démontre à quel point Treasure Cruise c'était une carte cassée. Ouais, vraiment. Elle est très strength en Vintage. On a vécu quelque chose qui se passe pas très souvent dans l'univers restant de Magic. Les dernières grosses vagues de cartes bannies, c'était Jace. Jace, ouais. Stoneforge en standard. Puis ensuite de ça, en moderne, quand le format était lancé, mais avant ça, ben, faut remonter pas mal à Skullclamp. Ouais, ouais, c'est vraiment. Pour voir une carte aussi dégénérée, se faire bannir. Ouais, comme quoi écrire piger 3 cartes sur une carte bleue qui coûte juste 1, là. C'est pas. Ouais, non, c'est ça. Mais pour moi, il y a une couple de personnes dans la Future League. C'est la ligue ouais. Qui teste les nouvelles cartes. Ouais. Une couple de personnes là-dedans qui ont peut-être pas été renouvelées leur contrat. Là. Non, c'est ça. vous avez pas vu ça. Parce que, tu sais, c'est une commune, il aurait très bien pu faire qu'elle coûtait, je sais pas, 12 puis un bleu, à la limite. Tu sais, au sens où, à un certain chiffre, ça aurait pas eu l'impact que ça a en ce moment, mais à 7, ça se fait très bien avoir 7 cartes dans un graveyard en moderne, mais en Legacy, assez rapidement. Donc, c'est ça qui ça fonctionnait. Ouais. Ouais. Puis, ce que ça veut dire aussi pour Legacy, pour ceux qui jouent Legacy, ben, les Nimble Mongoose reprennent leur place un peu qu'il y avait. Puis, parce que Nimble Mongoose reprend sa place, ben là, on a que Liliana. Liliana va revenir aussi en force. Ouais. Bon, mais super. Mais merci Renaud d'avoir pris le temps de faire cet épisode. On va se revoir la semaine prochaine si tout se passe bien. Mais si Dieu le veut. Yeah, pas tout. Ouais, j'ai pas fait assez de jeux de mots à ce soir. Non, c'est ça. Tu t'es pas gâté. Va falloir qu'on fasse quelque chose. Là. En fin d'épisode comme ça, va falloir que tu nous. Tu fasses la blague de la semaine ou je sais pas, là, mais ça nous prend des jeux de mots, là, Renaud. Sinon, c'est pas un vrai épisode de Magic Star. Ouais, c'est pas grave. Ben, écoutez, je veux dire merci à tous les auditeurs qui ont pris. Ouais. Asselin, toute l'émission. Ouais. Il aime pas mes jeux de mots. Non, ok, c'est bon. Donc, j'en profite donc pour remercier tous ceux qui auront pris le temps d'écouter cet épisode de Magic Star. J'ai le plaisir de vous avoir encore la semaine prochaine. Salut tout le monde!